À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, ont eu lieu les expositions de livres et de photos et séances de films en Roumanie, à Singapour, en Chine, en Thaïlande, en Guinée, au Nigeria et en Algérie. Dans les salles d'exposition se trouvaient les photos qui montrent les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, les œuvres classiques des grands hommes Baek-tosan, les livres et les photos qui présentent la Corée en essor. Aux séances de films ont été projetés les documentaires coréens, y compris « Le peuple chante le leader ». Aux cérémonies ont participé les personnalités de différents milieux et les habitants.